Bonjour à toutes et à tous, je suis Loïc Le Breton. Je voulais profiter de cet événement Wengo consacré à la Saint-Valentin pour vous faire part de ma modeste réflexion. Tout d'abord, soyez plein de bienveillance envers vous-même. Ne subissez pas cette pression sociale du dîner en amoureux durant ce fameux soir et le fait peut-être d'être seul comme étant un échec. Au-delà de cette date symbole, il me paraît important de réfléchir en termes de cycle, de période, et de considérer qu'avant de faire une rencontre par Internet ou dans la vraie vie, il vous faut redéfinir vos priorités, ce que vous attendez réellement de l'autre. Pensez à vous mettre au centre de votre vie. Analysez celle ou celui que vous êtes aujourd'hui, après ces 2 années très déstabilisantes, faites un scan de votre personne, vous aurez ainsi une image plus claire de celle ou celui que vous attendez. Et surtout, n'attendez pas que cette autre personne change afin qu'elle convienne enfin à la vision idéale que vous en avez. Il vous faudra accepter l'autre dans sa globalité et non pas que vous mettiez votre vie sur pause en espérant qu'elle ou il convienne enfin un jour à l'image idéale que vous en avez. Soyez vous-même et belle rencontre à toutes et à tous.